ouvrez-moi les portes de la nuit. Y'a la nuit face à ma phobie. Trop investi sur mon utopie. J'en ai fini avec mes ennuis. Lui, plus qu'un calibre dans la bouche. C'est louche, faut que je me couche. Drôle de son que celle d'une cartouche. Quand la balle fait mouche. Venu de la poussière pour retourner à la poussière. Je ne regarde pas derrière où je me retrouverai en enfer. Mort et enterré, le phénix vient de ressusciter. Pas fini de m'exprimer pour éviter de se faire niquer. Le vice laisse une cicatrice sur un corps complice. Appelle-moi Yiblis quand je te dégonfle comme une hélice. Mémoire d'outre-tombe pour me fondre dans la pénombre. Je manipule les ombres et contrôle même les décombres. Mémoire d'outre-tombe pour me fondre dans la pénombre. Je manipule les ombres et contrôle même les décombres. Général des généraux a pour arsenal le tempo. On travaille en réseau avec Oni et Synchro. De 4 sur 2, 4 tout le temps. On est chaud. Aussi prévoyant qu'une station météo. Mets des yeux derrière la tête, le bleu dit à te guette. T'as cru que c'était la fête, fillette. Je respecte ceux qui défendent leur concept. Face à des trompettes, ils n'écoutent que la barrière. Je ne représente personne, personne ne m'a représenté. Le rap m'a éduqué, voilà pourquoi je suis attaché. Beaucoup sur mon sujet vont parler, je suis blasé. Mémoire d'outre-tombe pour me fondre dans la pénombre. Je manipule les ombres et contrôle même les décombres. Mémoire d'outre-tombe pour me fondre dans la pénombre. Je manipule les ombres et contrôle même les décombres. Chacun pour sa gueule, ah je dégueule. Vraiment trop de singles, il y en a qui m'en veulent. Je vais casser des gueules, je les croque comme des amuse-gueules. Ferme ta gueule petit gosse, tu sais qui est le boss. Tu veux que je te désosse ou bien que je te cabosse. Le rhino te rosse, c'est atroce comme Athos, Portos. Un pour tout et tout pour moi, c'est dans ce peur. La Kaira des Kaira tape le micro pour les carnats. Ceux qui craquent du slip sur mon style ils flip. Je fais des go trip et imagine le clip quand je t'arrache les tripes. Je sais c'est corps, aucunement j'ai tort. Telle la major je te dévore. Je suis le dinosaure qui ne bouffe pas de porc. Je sors de l'ombre tout en restant dans l'ombre. Je ne veux pas faire partie du nombre que l'on incombe. Mémoire d'outre-tombe pour me fondre dans la pénombre. Je manipule les ombres et contrôle même les décombres. Mémoire d'outre-tombe pour me fondre dans la pénombre. Je manipule les ombres et contrôle même les décombres. Mémoire d'outre-tombe pour me fondre dans la pénombre. Je manipule les ombres.